voit en Afrique un pays où régnait la division. Il était une fois en Afrique un pays où régnait la ségrégation. Blancs et noirs ne pouvaient se parler, se côtoyer, ni même cohabiter. Et les frères chantaient Freedom, freedom, we'll come tomorrow. Freedom, freedom and equality, we'll come tomorrow. Des hommes, des femmes étaient emprisonnés pour avoir parlé de liberté. Des hommes, des femmes ont payé de leur vie pour avoir parlé d'égalité. Les enfants de Soweto sacrifiés pour avoir voulu leur liberté. Et l'Afrique chantait Freedom, freedom, we'll come tomorrow. Freedom, freedom and equality, we'll come tomorrow. Cela est banni à jamais. Aujourd'hui, parlons d'égalité. Noirs et blancs peuvent se parler. Aujourd'hui, parlons de fraternité. Blancs et noirs peuvent cohabiter. Aujourd'hui, parlons d'égalité. Et le monde a chanté Freedom, freedom, welcome to death. Freedom, freedom and equality, welcome to death. Tout cela est banni à jamais. Aujourd'hui, parlons d'égalité. Tout cela est banni à jamais. Aujourd'hui, parlons de fraternité.